21. Le général exécute les Castelso. Quelques instants après cette bonne nouvelle apportée par Gertrude, un domestique vint annoncer que monsieur et madame de Castelso étaient au salon avec leurs enfants. Le général. « Ces gueux-là, ils osent venir me sachant ici. Viens, Hélène, je vais leur faire leur paquet et leur ôter le goût de revenir chez toi. » Madame Dorvillet. « Oh, Albert, je t'en prie, ne leur fais pas d'impertinence. Ils ne t'ont pas reconnu à la noce, Robillard. Laisse-les tranquilles, ne descends pas, je t'en prie. » Le général. « du tout, je veux les voir, leur parler. Je ne leur dirai pas la moindre impertinence. Je leur parlerai, très poliment, mais je veux les empêcher de revenir chez toi. Gertrude, va chercher Félicie, et viens avec elle et les enfants au salon. » Gertrude sortit, et quelques instants après, le général descendit en riant des supplications et des terreurs de sa sœur qui le suivait de près. Quand ils entrèrent, le général alla droit au baron. Le général. « Par quel hasard es-tu dans notre voisinage, futé? Ton père t'a laissé un joli magot, que tu as joliment augmenté, à ce que m'a dit ton ancien maître, le pauvre duc de la Folotte, que vous avez tous mené grand train. Et toi, Clarisse, tu as donc épousé futé, rusée que tu es? Ta dot était belle, ce me semble. Ce pauvre duc, c'est sur lui que vous vivez pourtant. » Gertrude et Félicie entrèrent. « Félicie, viens donc voir tes amis. Gertrude, je te présente les petits futés. Les deux grands-pères étaient, l'un maître d'hôtel, l'autre homme d'affaires du pauvre duc de la Folotte, qui avait grande confiance en eux, ce qui fait qu'il s'est trouvé ruiné et que les deux valets se sont trouvés enrichis. C'est qu'ils sont riches à millions. Voyons, futé, avoue-moi cela. Combien as-tu de fortune? 2 millions? 3 millions? » Tout le monde semblait pétrifié. Les Castelso étaient pâles de fureur, de terreur, de honte. Immobiles, les yeux écarquillés, les dents serrées, les mains crispées, ils n'avaient la force ni de parler ni de bouger. Les enfants Castelso, rouges, humiliés, désolés, n'osaient pourtant pas remuer. Madame Dorvillet était dans un embarras mortel. Elle avait beau tirer la redingote de son frère pour le faire finir, lui lancer des regards suppliants, il n'en continuait pas moins. Gertrude remarquait l'embarras de sa tante et commençait à s'inquiéter. Félicie seule regardait d'un air satisfait et dédaigneux ses amis d'hier. Le général, content de l'attitude terrifiée des Castelso, leur dit en finissant, les sourcils froncés et le ton sévère, « Vous ne m'avez reconnu ni l'un ni l'autre à la noce Robillard, et je n'ai pas voulu vous parler en public. Aujourd'hui, vous venez chez ma sœur. Comme elle ne compte pas confier ses affaires ni sa maison à des gens qui ont fait fortune aux dépens de leur premier maître, vous n'avez rien à faire ici. Va-t'en, futé, et que je ne te revoie plus ici, non plus que toi, Clarisse. Emmenez vos deux petits gredinets qui vous ressemblent trop pour être reçus dans une maison honnête. Allons, partez !» Et comme Castelso ne bougeait pas, « Vas-tu déguerpir, mauvais garnement ?» Un cri rauque, semblable à un rugissement, sortit enfin de la grosse poitrine de futé Castelso. Il courut plutôt qu'il ne marcha vers son équipage. Sa femme et ses enfants le suivirent en silence, et ils repartirent pour ne jamais revenir. Madame de Saint-Luc, qui avait entendu arriver la voiture et la vit repartir, descendit au salon pour savoir quels étaient ses visiteurs si pressés, qui repartaient au bout d'un quart d'heure. Elle trouva tout le monde consterné. Monsieur d'Alban seul riait en regardant filer l'élégante calèche et les laquais poudrés. « Qu'est-il donc arrivé, monsieur d'Alban? Quelle visite avez-vous reçue? Exceptez-vous, tout le monde me semble pétrifié. » Monsieur d'Alban se mit à rire. « C'est moi qui suis la tête de Méduse. J'ai mis en fuite les habitants de Castelso, et vous voyez l'effet que j'ai produit sur les nôtres. » Le général lui raconta ce qui venait de se passer et la mit au courant des antécédents de la famille Castelso. « Je les connais depuis ma jeunesse. J'ai connu la Folotte au collège de Vaugirard. Il a quelques années de plus que moi. J'ai vu souvent chez lui ses gens d'affaires et leurs enfants, qui sont les Castelso. Les parents avaient volé le vieux duc, les enfants continuèrent à plumer le fils, jusqu'à ce que la fortune eût passé presque tout entière dans les mains des futés. Je viens de les mettre à la porte, très poliment. N'est-ce pas, Hélène ?» Madame Dorvillet, souriant. « Si tu appelles cela poliment, je ne suis pas de ton avis. » Le général. « Et toi, Gertrude, qu'en dis-tu ? » Gertrude. « Mon oncle, je trouve que vous les avez menés un peu rondement, tout en ayant raison. » Le général, riant. « Je les ai roulés un peu vivement en dehors de votre chemin, pour que Félicie n'ait plus à subir la mauvaise influence de ses amis futés. Je crois que tu ne les regrettes pas beaucoup, Félicie. » Félicie. « Je suis enchantée de ce que vous avez fait, mon oncle. M'en voilà débarrassée. Leurs mines effarées me faisaient plaisir à regarder. Les cheveux du père étaient hérissés à la fin. Ha ha ha ! Qu'ils étaient drôles !» Le général, fronçant le sourcil, « Tu es un peu méchante, Félicie. Tu les aimais tant il y a 2 jours, et aujourd'hui tu ris de leur humiliation. » Félicie, avec hauteur. c'est que vous m'avez appris ce qu'ils étaient, mon oncle, et que je ne veux pas que des futés puissent se dire ou même se croire mes amis. Le général. Les grands airs, prends garde aux grands airs. Les futés honnêtes eussent été très agréables à voir. Ce sont les futés voleurs et impertinents que j'ai chassés. N'oublie pas, Félicie, qu'un ouvrier honnête est plus estimable qu'un prince sans foi et sans moralité. Le général proposa une promenade avant le dîner. Tout le monde voulut en être, même Laurent et Anne, qui ne quittaient pas leur cousine, Juliette. La promenade fut agréable. Gertrude courut avec les enfants. Elle les aida à cueillir des bleuets, des coquelicots. Elle entraîna Félicie à gravir des fossés, à les descendre en courant, à faire des guirlandes. Pendant un repos d'une demi-heure, sous un groupe de chênes magnifiques, Gertrude et, à son exemple, Félicie, firent aux enfants des couronnes et des colliers de bleuets et de coquelicots. Félicie s'amusa, ne se plaignit pas une fois de la fatigue et ne demanda pas à rentrer. Le lendemain, à 7 heures, Gertrude, Félicie et Madame de Saint-Luc allèrent à la messe du village. Gertrude, sans vouloir prêcher sa cousine, disait souvent quelques mots pour réveiller les bons sentiments de Félicie, qui pria et réfléchit pendant la messe. Gertrude pria et pleura. Le souvenir de sa mère ne la quittait pas. Elle priait pour son retour et pleurait son absence. Quand elles sortirent de l'église, elles se trouvèrent près du cheminot. Félicie. « Vous ici, dit Lois ? Par quel hasard ?»« Je suis venue entendre la messe, mademoiselle, et brûler un cierge devant l'image de la bonne Sainte Vierge pour lui demander sa protection dans une affaire bien importante pour moi. » Félicie. « Quelle affaire ?» dit Lois. « Je ne peux pas vous le dire, mademoiselle, mais il s'agit pour moi d'être heureux ou malheureux. Si l'affaire réussit, je suis le plus heureux des hommes. » Si elle manque, c'est que j'ai mérité punition, et je quitterai le pays pour aller travailler ailleurs. Félicie rougit beaucoup. Elle comprit que sa mère et son oncle lui avaient parlé de leur projet. Elle sentit péniblement qu'elle seule s'opposait au bonheur de cet homme qui lui avait sauvé la vie. Touchée enfin de son humble résignation, elle se rapprocha de lui et resta un peu en arrière de Madame de Saint-Luc et de Gertrude. « Dis-lois, dit-elle en souriant, je connais votre affaire. Je crois qu'elle se fera. » Venez avec moi jusque chez maman. Elle cherche un jardinier. Je lui en présenterai un. Dit Lois. Vous, mademoiselle Félicie, vous, serait-il possible? Vous auriez la bonté de consentir? Félicie. Chut, dit Lois, chut. Vous savez que nous avons un secret à garder entre vous et moi. J'étais méchante pour vous, mais je ne le serai plus. Je vous le promets. Dit Lois. Chère petite demoiselle, voyez où ce que nous sommes. Pouvez-vous, à cette même place où je me suis couvert de honte par ma brutalité, me redire que vous me pardonnez? Très volontiers, mon ami, de tout mon cœur, je vous pardonne, et cette fois c'est bien sincèrement, pour tout de bon. Pour preuve, donnez-moi la main pour m'aider à passer sur ce tas de pierres. Cette place est toujours encombrée. Merci, dit Lois, dit-elle quand le tas de pierres fut franchi. C'est ça que j'aurais dû faire la première fois que je vous ai rencontré. Vous ne parlez pas, dit Lois. Qu'avez-vous donc? Dit Lois, d'une voix tremblante, j'ai le cœur si plein, mademoiselle, que je n'ose parler, de peur d'éclater. Je suis si touchée de vous voir si bonne, si gentille. Je me sens si reconnaissant, si heureux, que je ne trouve pas de parole pour m'exprimer. Et ça fait mal, ça étouffe. Gertrude, cria Félicie, attends-nous, que je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai trouvé un jardinier pour maman, et je le lui amène. Gertrude, l'embrassant, comme tu as bien fait, ma bonne Félicie, quel plaisir tu vas faire à ma tante et à mon oncle. Ils revinrent le plus vite possible à la maison. Félicie courut tout de suite chez sa mère, suivie de Dilois. Elle entra comme un ouragan. Il était près de 9 heures. Madame d'Orvillet et M. d'Alban déjeunaient. Félicie. « Maman, maman, je vous amène un jardinier dont vous serez très contente et que j'aimerai beaucoup, et toujours. » Madame d'Orvillet et le général poussèrent ensemble un cri de joyeuse surprise. Ils se levèrent précipitamment, embrassèrent tendrement Félicie et s'approchèrent de Dilois qui voulut parler et se couvrit les yeux de ses mains. Il pleurait. Quand il put dominer son émotion, il découvrit son visage baigné de larmes. « Pardon, chère dame, pardon, monsieur le comte, bien pardon, chère demoiselle. Je suis mieux, je n'étouffe plus. » Il resta quelques instants sans parler, puis il se leva, demanda encore pardon et voulut sortir. Le général. « eh bien, où vas-tu, mon garçon? Nous ne sommes convenus de rien. Tu ne sais rien, et tu pars comme cela, sans dire gare. » Dit Lois. « Monsieur le comte, « permettez-moi de prendre l'air un quart d'heure seulement. Je ne sais plus où j'en suis. Pensez donc quel bonheur je vais avoir, moi qui ai toujours vu souffrir ma pauvre femme, mes chers enfants. Pensez à la reconnaissance, à la joie qui m'étouffe. Pardon, monsieur le comte, pardon. Je serai de retour dans un quart d'heure. » Et Dilois sortit précipitamment. Le général, Madame d'Orvillet et Félicie même se sentaient émus du bonheur de cet excellent homme. Félicie fut embrassée à plusieurs reprises. Elle quitta sa mère pour aller retrouver Gertrude, qui était chez Madame de Saint-Luc. Elle y reçut de nouveaux compliments sur sa conduite. Ensuite, Gertrude lui dit qu'elle allait travailler, écrire à sa mère et faire travailler sa sœur jusqu'au déjeuner. Félicie revint près de sa mère pour prendre ses leçons. Laurent prit la sienne chez sa bonne et tout rentra dans le calme. 22. Félicie s'exécute elle-même. Dilloy fut exact. Au bout d'un quart d'heure, le général le vit arriver, prêt à accepter toutes les conditions de Madame d'Orvillet. L'affaire fut bientôt conclue. Dilloy promit d'entrer dans 3 jours avec sa femme et ses enfants. Madame d'Orvillet prévint son vieux jardinier de déménager avec sa femme dans la maison qu'elle leur permettait d'occuper leur vie durant et qui était prête à les recevoir. Ils devaient avoir une rente suffisante pour vivre sans travailler, ce qui, joint à leurs économies, leur donnait une position très aisée. Le lendemain, Félicie proposa pour l'après-midi une promenade en voiture, que Gertrude accepta, avec plaisir, du consentement de Madame de Saint-Luc. Juliette, Laurent, Anne et la bonne devaient être de la partie. Mais quand Félicie demanda à Madame d'Orvillet de faire atteler la grande calèche, elle reçut pour réponse que c'était impossible. Félicie. « Pourquoi impossible, maman? Les chevaux ne font rien. » Madame d'Orvillet. « Ils ont au contraire beaucoup à faire. On fait le déménagement de nos vieux marcottes et on va chercher à la ville de la literie et des meubles pour Dilloy, qui n'en a pas. Tu vois comme ces chevaux seront pris aujourd'hui et demain. » Félicie. « C'est très ennuyeux. J'avais promis à Gertrude de lui faire voir l'entrée de la forêt où nous avions rencontré l'ours et où Dilloy a si courageusement combattu contre lui. Ces marcottes pourraient faire leur déménagement tout seuls. » Madame d'Orvillet. « Comment veux-tu qu'un pauvre vieux de 72 ans et une vieille femme de 69 puissent s'enlever et emporter des lits, des armoires, tout un mobilier, enfin ?» Félicie. « Ils peuvent attendre un jour ou deux. Pourquoi faut-il que nous nous gênions pour ces gens-là » Madame d'Orvillet. « D'abord parce que je veux que ce soit ainsi. Ensuite, parce que ces gens-là sont de vieux serviteurs, qu'ils sont pressés de s'établir chez eux, et que c'est un devoir pour nous de chercher à contenter de braves gens qui se sont usés à notre service. » Félicie, avec humeur. « Vous faites toujours ce qui plaît aux gens, sans penser à ce qui nous plaît à nous. » Madame d'Orvillet. « Je pense à votre bien-être du matin au soir, mais je ne veux pas vous habituer à être égoïste et à ne songer qu'à votre plaisir, sans vous occuper des gens qui nous servent et qui ont, comme nous, besoin de repos, de distraction et d'innocents plaisirs. Tous nos gens sont charitables et bons. Ils se font une fête d'aider les vieux marcottes à se bien installer chez eux et de nettoyer et meubler le futur logement de Dilloy. Je ne veux pas les priver de ce plaisir, qui est en même temps un acte de charité. » Félicie. « Mais notre promenade ne durerait pas plus de 2 ou 3 heures. » Madame d'Orvillet. « Et le temps d'atteler, de s'habiller, de dételer, d'arranger les chevaux, de nettoyer les harnais, de laver la voiture, c'est toute la journée perdue. » Félicie. « Mais alors, on pourrait... » Madame d'Orvillet. « Assez, Félicie. Renonce à ta promenade et n'insiste plus. Je t'ai expliqué mes raisons. Il faut t'y soumettre. » Félicie tapant du pied. « C'est insupportable !» Madame d'Orvillet. « Sais-tu ce qui est insupportable dans tout cela? C'est toi, ma pauvre fille, avec ton insistance qui frise l'impertinence. » Félicie allait encore répliquer. Sa mère lui imposa le silence et la renvoya de chez elle. Félicie se mit à la recherche de Gertrude pour lui communiquer son humeur contre sa mère, contre les vieux marcottes, contre toute la maison. Pendant que Gertrude cherchait à la calmer et à lui faire comprendre le respect qu'elle devait avoir pour les désirs de sa mère, pendant qu'elle l'exhortait à avoir plus de soumission à ses volontés, plus de charité, ou tout au moins plus de complaisance pour les gens de la maison, M. d'Alban était entré vivement chez sa sœur. « Hélène, dit-il presque avec colère, je ne comprends pas ta manière d'agir avec Félicie. Je lisais dehors, près de ta fenêtre. J'ai entendu toute ta conversation avec cette sotte fille. Tu es aussi sotte qu'elle, et je suis aussi en colère contre toi que contre elle. » Madame d'Orvillet souriant. « Et qu'ai-je donc fait, mon ami, pour m'attirer ta colère ?» Le général, très vivement. « Ce que tu as fait, parbleu, le contraire de ce que tu devais faire. Au lieu de lui expliquer longuement, avec une douceur imperturbable, tes motifs d'agir, tu aurais dû, à la première objection, la mettre à la porte, avec un bon coup de pied, à la chute des reins. Elle ne serait pas revenue à la charge, et tu n'aurais pas reçu ses impertinences. » Madame d'Orvillet. « Et qui aurais-je gagné, mon ami? De la mettre en colère? De ne pouvoir pas lui ouvrir les yeux sur l'injustice de son exigence et sur les obligations des maîtres envers leurs serviteurs ? » Le général. « Et tu crois qu'elle a compris tout cela ? Elle t'en veut à mort. » Madame d'Orvillet. « Je crois qu'après le premier moment passé, elle réfléchira à ce que je lui ai dit, et qu'elle ne recommencera pas à l'avenir, Je n'ai pas cédé, au total, et j'espère avoir agi sagement. » Le général la regarda un instant. La douceur de cette voix, de cette physionomie, le toucha. Il l'embrassa et lui dit « Tu es un ange. Tu es 100 fois meilleur et plus sage que moi. Tu as raison, tu as bien fait. Pardonne-moi ma vivacité. Je t'aime et je respecte ta vertu. » « Madame d'Orvillet, je suis heureuse de ta tendresse, cher Albert. Tu m'as toujours aimé, et moi aussi, je t'ai toujours aimé, bien tendrement. » Le général, l'embrassant encore, « Au revoir, ma bonne sœur. Je vais continuer ma lecture sous ta fenêtre. » Gertrude finit, moitié riant, moitié sérieusement, par persuader Félicie que sa mère avait raison. « De plus, ajouta Gertrude, tout le monde dans la maison sait que c'est toi qui fais entrer Dillois. C'est sur toi que se reportera la reconnaissance des Marcotte, qui sont enchantés de s'établir tranquillement chez eux, et celle de Dillois et de sa famille qui raconte à tout le monde son bonheur, et enfin celle de tous les domestiques qui t'en savent gré, et qui ne manqueront pas de dire et de penser que sans toi, ils n'auraient pas ces 2 jours de course, d'agitation, et aussi de travail agréable, puisque c'est une œuvre de charité qu'ils font volontairement. Et puis c'est une chose, si nous nous y mettions tous, nous nous amuserons bien plus qu'à cette promenade en voiture, que nous pouvons faire d'ailleurs dans 3 ou 4 jours. Nous chargerons les charrettes, nous porterons des paquets, nous aiderons la mère Marcotte à ranger là-bas. Tu verras comme ce sera amusant. « C'est vrai, » dit Félicie en sautant de joie. « Mais, » ajouta-t-elle, après quelques instants de réflexion, « ne trouvera-t-on pas extraordinaire que nous aidions au déménagement d'un jardinier ?»« Gertrude, pourquoi donc ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire ?» Félicie, « Nous, les demoiselles du château, nous mêler aux domestiques ?» Faire le travail des ouvriers ? Gertrude, ah ah ah, quelle drôle d'idée tu as, Félicie ! Qu'est-ce que cela fait ? Quel mal ferons-nous ? Félicie, nous nous abaisserons, et cela nous fera du mal, parce qu'on ne nous respectera plus. Gertrude, tu crois cela ? Et moi je crois que nous nous grandirons, au contraire, que cela nous fera du bien, et qu'on nous respectera plus qu'avant, parce que nous aurons rendu des services, et qu'il faut toujours chercher à rendre service. Félicie, « je veux bien essayer. » Gertrude, « et tu ne le regretteras pas. Tu verras que cette journée sera la plus amusante que nous aurons passée. Allons le dire à ma tante, cela lui fera grand plaisir. » Les deux cousines coururent chez Madame d'Orvillet. Gertrude avait encouragé Félicie à parler la première. « Maman, » dit Félicie en entrant, « je vous remercie bien de nous avoir refusé la voiture pour faire notre promenade. Gertrude a une très bonne idée et qui nous amusera beaucoup. » Nous aiderons tous à faire les paquets des Marcotte, à les charger et les décharger, à mettre tout en place dans leur nouvelle demeure et à tout préparer dans la maison du jardinier pour Dillois. Madame d'Orvillet, c'est en effet une très bonne pensée, ma petite Gertrude. Je t'en remercie pour Félicie qui éprouvera plus de satisfaction à faire cette bonne œuvre que ne lui en aurait donné sa promenade en voiture. Félicie, oh oui, maman, et je vous demande bien pardon de vous avoir si mal répondu tantôt. Madame d'Orvillet, je te pardonne de tout mon cœur, ma chère enfant. Je vous donne congé toute la journée. Votre seule leçon aujourd'hui sera une leçon de charité. Et c'est Gertrude qui sera et qui est déjà le professeur. Va prévenir ta bonne et les petits. Ils seront enchantés. Gertrude, je vais aussi demander à ma tante de Saint-Luc de me donner congé pour ne pas quitter Félicie. Madame d'Orvillet, tu feras très bien, ma bonne petite. Je demande à être de la partie, cria une voix en dehors de la maison. Gertrude, qui est-ce donc ? Qu'est-ce qui veut nous aider à nous amuser ? Madame d'Orvillet, riant, « C'est ton oncle d'Alban qui s'est établi à lire sous mes fenêtres. » Gertrude mit la tête à la fenêtre et aperçut en effet son oncle. « Attends-moi, » lui cria-t-il, « je monte chez ma sœur. » En effet, il entra quelques secondes après. « Bonjour, mon oncle, » lui dirent ses 2 nièces en allant à lui. Le général, les embrassant, « Bonjour, mes enfants, nous allons travailler ensemble après déjeuner. Cela me fera plaisir. Merci, ma bonne petite Gertrude, d'avoir eu cette bonne pensée. » Gertrude, je n'y ai pas de mérite, mon oncle. Félicie l'a eu, comme moi. Le général, hem, hem, viens, que je te dise un secret. Et, emmenant Gertrude à la fenêtre, il lui dit tout bas, j'ai entendu toute ta conversation avec Félicie. Ta fenêtre est près de celle-ci. J'étais dessous. Tu comprends que je n'en ai pas perdu un mot. Gertrude rougit légèrement et lui dit, à son tour, bien bas, n'en dites rien, mon cher oncle. Je vous en prie, n'en parlez pas. Le général, oh, c'est bien, mon enfant. Va prévenir ta tante de Saint-Luc. Il est 11 heures. Nous allons déjeuner dans 1/2 heure, et quand les domestiques auront mangé à leur tour, nous commencerons. Madame d'Orvillet. Eh bien, Albert, tu vois que Félicie a fait ses réflexions. Le général. Oui, mais aidé vigoureusement par cette excellente Gertrude. Parole d'honneur, cet enfant est un ange, un trésor. Madame d'Orvillet. J'espère qu'elle restera longtemps ici. Elle changera ma pauvre Félicie. Le général, du noir au blanc, mais elle ne vaudra jamais Gertrude. Madame Dorvillet, peut-être. Il y a du bon en Félicie. Le général, pas beaucoup. Elle peut devenir très bien, mais je le répète, elle ne vaudra jamais l'autre. Toute la maison fut en l'air au bout d'un quart d'heure. Les trois petits avaient couru partout, dans le jardin, dans l'écurie, à la cuisine, pour annoncer qu'après le déjeuner, tout de suite après, tout le monde, même leur oncle, irait aider au déménagement et à l'installation des Marcottes, et le lendemain, à celle des Dillois. M. d'Alban et Mme d'Orvillet allèrent voir la maison du jardinier. Ils la trouvèrent très sale. On envoya Saint-Jean prévenir les maçons de venir tout de suite blanchir à la chaux les plafonds et les murs. On commencerait dès que les meubles seraient enlevés. Ils avertirent les Marcottes de mettre en paquet leurs linges et leurs effets pour être prêts à charger sur la charrette. Madame d'Orvillet donna ses ordres à la cuisine pour que le déjeuner des gens fût servi en même temps que celui des maîtres. Il fut convenu que tous les plats seraient posés d'avance sur la table et que les enfants feraient le service des assiettes et des couverts. Les enfants couraient, allaient, venaient, se démenaient. 23. Le déménagement. Les Marcottes se querellent. Enfin, la cloche sonna. Les trois petits avaient demandé instamment à attendre l'arme au bras, c'est-à-dire la serviette sous le bras, l'assiette à la main. Ils étaient postés à la porte d'entrée quand Madame d'Orvillet, M. d'Alban donnant le bras à Madame de Saint-Luc, Gertrude et Félicie firent leur entrée dans la salle à manger. Les petits serviteurs, prenant leur rôle au sérieux, ne voulaient pas se mettre à table, mais le général ayant commandé « arme bas », ils furent désarmés par Gertrude et Félicie et on les obligea à prendre leur part du repas. Après le premier plat, on demanda d'autres assiettes. Juliette, Laurent et Anne se précipitèrent pour faire leur service. Anne cassa une assiette dans son empressement à servir sa mère. Laurent en fit rouler deux, mais sans les casser. Juliette profita du désordre causé par ces accidents pour remplacer lestement toutes les assiettes sales. Quand les morceaux furent ramassés, Laurent et Anne n'eurent plus rien à faire qu'à se remettre à table et continuer leur repas. Il s'acheva assez tranquillement. Il n'y eut d'autres accidents qu'une bouteille de vin répandue sur la nappe, une salière renversée et la chute d'Anne avec sa chaise. Mais, comme elle ne s'était fait aucun mal, tout le monde rit de son accident et elle demanda à continuer son service en mangeant debout, pour être prête à donner ce que demanderaient les convives. « N'est-ce pas, maman, que nous servons très bien ?» dit Anne en finissant son déjeuner. « Madame d'Orvillet, sauf les accidents, c'était très bien, mon enfant. » Laurent, « les accidents, ce n'était pas notre faute, n'est-ce pas, mon oncle ?» Le général, gaiement, « certainement non. Si les assiettes n'étaient pas rondes, elles ne rouleraient pas. » Juliette, « et le vin répandu, mon oncle ?» Le général, souriant, « si le vin n'avait pas été liquide, il ne se serait pas répandu. » Félicie, « et la chaise d'Anne, mon oncle ?» Le général, riant, « si la chaise n'avait pas eu de pied, elle ne serait pas tombée. » Tout le monde se mit à rire et on se leva de table. Laurent, « allons-nous partir, mon oncle ?» Le général, « pas encore, mon ami. Donne-nous le temps de faire une petite causette et laisse les gens ôter le couvert et tout ranger. » Laurent, « eh bien, Juliette, sais-tu ce que nous allons faire ? Nous irons tous chez les Marcottes et nous les aiderons à faire leur paquet. »« Oui, oui, allons vite !» s'écrièrent Juliette et Anne. Le général, « halte là, petit malheureux. Vous allez leur tout bouleverser, comme vous avez fait chez moi le jour de mon arrivée en m'aidant à déballer. » Gertrude, « non, mon oncle. Ils ne feront aucun dégât, car nous allons y aller, Félicie et moi, et nous veillerons à ce qu'on ne dérange pas, au lieu d'arranger. » Le général, « dans ce cas, on peut y aller. Partout où tu es, tout marche bien. » Gertrude, embrassant son oncle, « prenez garde de me gâter, mon oncle. Vous avez trop bonne opinion de moi. Je finirai par n'avoir plus confiance en vous, et ce serait très mal à moi. » Le général, riant, « tu n'y entends rien. Je cherche à prouver au contraire la grandeur de mon intelligence en te jugeant comme je le fais. Mais je dois humblement avouer que ta tante d'Orvillet m'y a beaucoup aidé avant même ton arrivée. Et à présent, ma bonne fille, que je me suis expliquée, je te laisse aller. Empêche les petits de tout mettre sans dessus-dessous. Cours vite, car tu es rouge comme une cerise. L'air te fera du bien. » Gertrude et Félicie suivirent les enfants qui étaient déjà partis. « C'est étonnant, » dit Félicie d'un air un peu piqué, « comme mon oncle t'aime. Il te fait toujours des compliments. À l'entendre, il n'y a de parfait que toi. » Gertrude, « c'est parce que je viens d'arriver, tu vois bien, il veut me mettre à l'aise. Je crains bien que dans quelques jours, il ne pense autrement. » Félicie, « non, je parie qu'il te croit réellement parfaite. » Gertrude, « ce serait donc parce qu'il est si bon qu'il me juge d'après lui-même. » Félicie, « tu trouves qu'il est très bon ? Je ne trouve pas, moi. Il gronde souvent et bien rudement, comme font toujours les militaires. Gertrude. Ah bien, mon tour viendra bientôt. Ce sera toi qui me consoleras alors, car j'aurai beaucoup de chagrin d'être grondée par lui. Félicie. Pourquoi ça ? Gertrude. Parce que je l'aime beaucoup, et parce que s'il me gronde, c'est que je l'aurais mérité. Félicie. Il n'y a pas de quoi avoir du chagrin. Moi, cela ne me fait rien quand on me gronde. Cela m'ennuie, voilà tout. Laurent, accourant. Mais arrivez donc, voilà les Marcottes qui se disputent, et nous ne pouvons rien faire. Ils entrèrent tous chez les Marcottes, et ils les trouvèrent en face l'un de l'autre, criant à qui mieux mieux. Marcotte. Je te dis que t'es sotte comme tout. Je ne veux point que tu mettes ma belle redingote en paquet. Mère Marcotte. Et je te dis que je la mettrai tout de même. T'as pas plus d'intelligence qu'un bourri. Crois-tu que je vais promener tes habits un à un d'ici à notre maison ? Marcotte. Si tu ne les prends point, je les porterai, moi, et chaque voyage te vaudra une bonne gifle. Mère Marcotte, se rapprochant de son mari. Ah, tu crois ça, toi ? Est-ce que je n'avons pas bec et ongles pour me défendre contre toi, vieux serin ? Marcotte, avançant vers sa femme. Je saurai bien te réduire, vieille criarde. Gertrude, se mettant entre eux. Mes amis, pourquoi vous querellez-vous ainsi ? Ce n'est pas bien. Marcotte. Quoi donc que je puis faire, mamselle ? Cette sotte femelle veut me gâter ma belle redingote. Je l'ai prise la fourrance à force dans un paquet de linge sale. Mère Marcotte. T'es un menteur. C'était du linge tout blanc, et je la fourrais bien gentiment. Marcotte. Tu appelles ça gentiment, que tu tapais dessus comme sur une gerbe de blé. Mère Marcotte. Et toi qui me tapais sur le dos comme un vieux scélérat que tu es ? Marcotte. Pourquoi tu ne voulais pas m'écouter ? Mère Marcotte. Et pourquoi que tu t'en mêlais ? Est-ce l'affaire d'un homme, ça, de plier du linge et des habits ? Marcotte. Est-ce l'affaire d'une femme, ça, que de chiffonner zette endommager la redingote de son mari ? Je n'en ai point une douzaine de rechange, moi, et je ne veux point qu'on me l'abîme. Gertrude. Mes bons amis, je vous en prie, je vais tout arranger. Je me charge de votre redingote, mon bon père Marcotte. Elle vous gênerait pour l'ouvrage, et moi, qui n'ai rien à faire, je la porterai bien soigneusement sur mon bras. Marcotte. Oh, mademoiselle Gertrude, c'est trop de bonté. Tu vois bien, femme, ce que tu fais. Voilà que t'oblige mademoiselle Gertrude à porter ma redingote. Mère Marcotte. Moi, mon bon Dieu, faut-il être menteur ? Gertrude. Ma pauvre mère Marcotte, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Le pauvre Marcotte a cru bien dire. Mère Marcotte. Ne croyez point ça, mademoiselle. Il n'en fait jamais d'autre. Il n'a pas plus de cœur qu'une limace. Il ne songe qu'à injurier le pauvre monde. Marcotte. En voilà une fameuse. Quand je vous dirai, mademoiselle, que cette femme me dégoise des sottises toute la journée, que si je ne me respectais, je lui donnerais des raclées soignées. Gertrude. Mon Dieu, mes pauvres amis, si vous saviez comme vous me faites de la peine. Marcotte et sa femme se retournent, indignés l'un vers l'autre, et dirent ensemble, d'un accent de reproche, « Tu vois bien, cette bonne petite demoiselle Gertrude ?» Gertrude. Assez, assez, mes amis, nous sommes venus tous pour vous aider à faire vos paquets. Ma tante et mon oncle vous aideront aussi. Toute la maison va venir. Mère Marcotte. Hélas, en voit-il de la bonté. Nous pensions demander au voisin Legras de venir nous aider et nous pensions en avoir pour 2 jours. Laurent. Vous coucherez là-bas ce soir, Mère Marcotte. Mère Marcotte. C'est-y possible ? Tu vois, Marcotte, quand je te disions que nous avions de bons maîtres. Marcotte. Et quand je te disions qu'il n'y a pas leur pareil dans le monde. Mère Marcotte. Et quand je te disions qu'ils ne nous laisseraient manquer de rien. Gertrude. « Bien, mes amis, à présent, aidons au paquet. Félicie, viens m'aider à retirer le linge de dedans les armoires. Juliette, Laurent et Anne, courez vite chercher des paniers, de grandes dresses. Nous y mettrons le linge et les habits. » Les petits partirent en courant. Gertrude et Félicie eurent bientôt vidé l'armoire. Elles arrangèrent le linge dans une caisse pour être emportées. Les enfants revinrent, traînant chacun 2 grandes dresses. Gertrude étala un torchon au fond de chaque dresse. Il plaça les vêtements de Marcotte de manière à le rassurer complètement sur le sort de ses beaux habits du dimanche. La belle redingote s'y étalait au-dessus des gilets et des pantalons. Dans un autre panier, elles mirent les vêtements de la mère Marcotte. Les 2 vieux regardaient avec admiration l'ordre et la promptitude que mettait Gertrude, seule d'abord, ensuite aidée de Félicie, à tout ranger sans rien chiffonner, rien abîmer. Les petits présentaient les objets à serrer, apportaient de la ficelle, du papier, etc.